Allons, dis, mon gros minet, la rive gauche a baissé? Non. L'hôtel est frappé de surenchère? Non. Tu ne te crois pas le père de ton petit Crevel? C'te bêtise, répliqua l'homme, sûr d'être aimé. Ma foi, je n'y suis plus, dit madame Marneffe. Quand je dois tirer les peines d'un ami comme on tire les bouchons aux bouteilles de vin de champagne, je laisse tout là. Va-t'en, tu mens. Ce n'est rien, dit Crevel. Il me faut 200 000 francs dans 2 heures. Oh, tu les trouveras. Tiens, je n'ai pas employé les 50 000 francs du procès-verbal Hulot, et je puis demander 50 000 francs à Henri. Henri, toujours Henri, s'écria Crevel. Crois-tu, gros Machiavel en herbe, que je congédierai Henri? La France désarme-t-elle sa flotte? Henri, mais c'est le poignard pendu dans sa gaine à un clou. Ce garçon, dit-elle, me sert à savoir si tu m'aimes. Et tu ne m'aimes pas ce matin. Je ne t'aime pas, Valérie, dit Crevel. Je t'aime comme 1 000 000. Ce n'est pas assez, reprit-elle en sautant sur les genoux de Crevel et lui passant ses 2 bras au cou comme autour d'une patère pour s'y accrocher. Je veux être aimée comme 10 000 000, comme tout l'or de la terre, et plus que cela.